Non. Donc il dit, j'ai lu aujourd'hui un nouveau cours dans le fiqh. Al-Um, fahimtahu, l'as-tu compris? Non. Fahimtahu. Là. Fahimtuhu. Non. Jayidan. Et oui, je l'ai très bien compris. Al-Um, amakara'ta al-Qur'an al-Yum, n'as-tu pas récité du Qur'an aujourd'hui? Bala, qara'tu surat al-Rahman. Surat al-Rahmani, wa hafidtuha. Fafariha bi al-Mudarrisi. Fafariha bi. Biya. Fafariha bi al-Mudarrisi. La, Mudarrisu. Kathiran. وقال إنك أحسن طالب في الفصل. نعم. فسعيد قال سي j'ai lu la sourate Ar-Rahman et je l'ai mémorisé. Et le mon enseignant fut très content de moi et il dit que je il a dit tu es certes le meilleur étudiant de la classe. Là ils ont fait un truc. Quoi ils ont dit bel qara'tu sourate Ar-Rahman. Ils ont mis Ar-Rahman. Là c'est une erreur. Car en réalité, ce n'est pas un mot d'offre ilayhi. Parce qu'en fait, il cite le nom d'une chose. Ar-Rahman, dans le Coran, surat Ar-Rahman, c'est Ar-Rahman. Si je me rappelle bien. C'est Ar-Rahman. Je vais vérifier que je ne dise pas de bêtises. Ar-Rahman. Ça va. Ar-Rahman. Ça s'appelle 5. Non. Mais bon. Mais bon, Yann. C'est une seconde. C'est une seconde. C'est un Rouhman avec une seconde. C'est un Moussaf. Je regarde à la fin dans les noms des sourates. Il est où? Là, ils n'ont rien mis non plus. Dans le Mushaf, ils ont écrit avec une soukoum, Ar-Rahman. Toujours est-il que lorsque tu cites une sourate dans le Coran, tu n'en fais pas un moudof, moudof ilayhi. La sourate reste telle qu'elle est nommée dans le Coran. Par exemple, tu ne vas pas dire sourate al-Baqarati. Si c'est sourate al-Baqaratu, tu vas dire sourate al-Baqaratu. Pourquoi est-ce que tu la nommes telle qu'elle est? Ça veut dire, ce n'est pas un mot d'offre ou d'offre ilayhi. C'est tu nommes une chose et ensuite tu cites la chose telle qu'elle est écrite. C'est comme par exemple, à la base, kafirun, al-kafirun, c'est le djem de kafir. Et kafirun, c'est un djem muzakkar salim. On n'a pas encore pris son. Comment on fait son i'rab, mais sache que lorsqu'il est marfou, c'est avec le waou. Al-kafirouna. Et lorsqu'il est mansoub ou le majrour, c'est kafirina. Avec un ya. Comment ça va plus tard? Et lorsque toi tu dis qara'tu surat, tu vas dire qara'tu surat al-kafiroun, tu ne vas pas dire surat al-kafirin. Parce que sur la surat, Allah, dans le Coran, elle est nommée kafiroun. Donc il faut la nommer telle qu'elle est. Donc là, le fait qu'ils aient mis surat al-wahmani, la kasara, tu vois. Qui est un hasard. Normalement, ils auraient dû le nommer tel qu'elle est dans le Mushaf. Mais certaines sourates aussi dans le Coran, leur nom c'est Tawqifiyya, c'est-à-dire c'est venu par révélation, et d'autres, c'est. Il n'y a pas eu de nom vraiment, elle a été nommée comme elle a été connue auprès des gens. En tout cas, dans le Mushaf, elle n'est pas venue qu'une kasra. Donc, quand tu lis sourate, tu cites la sourate telle qu'elle est nommée dans le Mushaf. Sans mettre de mudaf ilayhi. Naam. Fahim ta'ala? Et ils ont mis une kasra sur Ar-Rahmani. Kekha, inshallah. Thumma kum. Takul. Ma'asha Allah. Zadak Allah ilman ya bunayya. Donc elle dit ma'asha Allah. Qu'Allah te rajoute en science, ô mon fils. Arasalti kumsani ya ummi. Donc il dit, as-tu lavé mes kamis, ô ummi, ô ma mère? Al-Um takul, naam, rasaltuha, wakawaituha, khuz hadar kamis. Elle dit oui, je les ai lavés et je les ai repassés. Prends ce kamis. Hati dhaka ya ummi, dhaka ajmal min hada. Donc il dit, prends celui-là, ou ma mère, celui-ci est plus beau que celui-là.

féminise, rend féminin le sujet dans chacune de ces phrases et met la harakat correspond au le domir. Le domir avec la harakat correspond. Mathalan, il dit Al-Sharibta al-Shay ya Hamidou. Donc il dit as-tu bu le Shay au Hamid. Donc là, c'est à qui qu'on parle là? On parle à Hamid. Hamid est Muzakkar. Donc, c'est Mukhatab Muzakkar, tu vas dire Al-Sharibta, Anta. Et pour le moins neuf, tu vas dire Al-Sharibti al-Shay ya Su'adou. Donc là, le Mukhatab c'est un moins neuf. Donc tu vas dire Ti, Ay Anti. جملة ثانية كتبت الدرس يا علي أتو يكري الدرس أو علي كتبت الدرس يا زينب نعم ثالثا أغسلت وجهك يا أخي أتو لفي ton visage أو مفخير أغسلت وجهك يا آمنة لا يا أختي يا أختي نعم رابعا أي سورة حفظت يا بني quelle sourate as-tu mémorisé ô mon fils? Ayi suratin hafidti ya binti. Naam. Et le diminutif de bint serait bunayt. Ya bunayti. D'ailleurs, regarde, le texte, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit binti. Pas dit bunayti. T'inquiète. Ça coûte, on a lu vite, on a dit binti, c'est qu'il a dit bunayti. Je pense pas non plus. Attends, je vérifie juste. La binti, non. La binti Bounaïti. En tout cas, le diminutif de bint, c'est Bounaït. Non. Khamisan. Afahimta dersa al-jadida ya Hashim. As-tu compris le nouveau cours, ô Hashim? Afahimti dersa al-jadida ya Zainabou. Non. Aina dhahabta ba'da dersi ya akhi. Où as-tu été après le cours, ô mon frère? Aina dhahabti ba'da dersi ya ukhti. Non. Donc on voit que le mukhatab al-mufrad al-muannath le damir al-muttasil avec le fi'l madi c'est ti. Voyez, dhahabti, fa'alti, jalasti, ainsi de suite. Khamisan. اضبط الضمير بالشكل في كل من افعال الوارده في الجمل الاتيه donc il dit il veut que tu mettes les harakat qui correspondent sur le damir dans les phrases suivantes مثلا يقول انا ذهبت للمطار donc damir tu il y a bien qui il y a bien ana quand tu dis ذهبت c'est moi j'ai été ou je suis allé ذهبت j'ai été Jalastu, je me suis assis. Qara'tu, j'ai lu. Akaltu, j'ai mangé. Donc tu dis tout quand ça revient à toi. Fa'aniya, fa'aniyan. Il l'a déjà mis en fait. Tu les as aussi toi? Ah, ouais, il les a déjà mis. Normalement, ils n'y sont pas. Tayyib, fa'aniyan. Zahabta il el mal'abi ya Yusuf. Donc as-tu été au terrain de jeu au Yusuf? Donc. Pour le Mukhatab Mufrad Muzakkar, Anta, tu veux dire quoi? Zahabta. Voyez? Zahabta. Jalasta. Akalta. Qara'ta. Fahimta. Il est akhir. Thalithan. Urti. Zahabat. Il est al Mustashfa. Donc ma sœur a été à l'hôpital. Donc là, le T, c'est Kun Sukun. Mais attention, la différence entre Ana Zahabtu. Ou anta zahabta, ou ukhti zahabat, c'est qu'ana zahabtu, le tout là c'est un fa'il. C'est un damir. C'est un fa'il, damir muttasil. Anta zahabta, le ta pareil, c'est un damir muttasil, il est fa'il. Ama ukhti zahabat, ta'tanis, sakina, c'est pas un damir. C'est pas un damir, c'est juste un harf qui prouve que le fa'il il est muannas. Et le fa'il il est où? Ukhti zahabat, il mustashfa, c'est un damir, comme on a dit, mustatir. Il est là, mais tu ne le vois pas, tu ne l'écris pas. Et en fait, c'est Hiya. Urti Zahabat, Ey Hiya, il est Mustashfa. Et pareil au masculin. D'accord, Masalen, Ahi Zahaba, il est Mustashfa. En fait, c'est Ahi Zahaba Hua.

رأيت مثلا كيف قلت على أرأيت الذي يكذب بالدين طيب as-tu vu celui qui dément la religion donc là le alif il se transforme en ya donc quand, quand par exemple toi tu dis moi j'ai vu tu vas dire رأيت أنا رأيت أنت طيب رأيت أنت طيب رأينا نحن ainsi de suite mais attention c'est pas tout ça attends là il reste comme ça ça c'est quoi Mohamed Ra طيب محمد راء فبدا محمد راي طيب يقول رايت حامدا عفوا رايت حامدا دونك لا ريبونس نعم رايته دونك لا هو يبقى كي حامدا ثانيا ارايت حامدا وهاشما وعليا دونك لا ريبونس دونك as-tu vu حامد اي هاشم او هشام عفوا اي علي Il dit Naam, ra'aytu hum. Oui, je les ai vus. Donc là, hum, il y a bien qui A Hamid, A Hisham et A Ali. Thalithan, il dit A ra'ayti Zainaba. As-tu vu Zainab Naam, ra'aytu ha. Donc là, le ha, il y a bien qui Zainab. Zainab. Rabi'an, A ra'ayti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Takul Naam, ra'aytu hunna. Donc hunna, il y a bien qui Non, trois femmes citées avant. Donc là, on fait pareil avec deux phrases. Mais si tu as une femme et un homme Raïtouhouma, s'ils sont deux. Ou tu peux dire Raïtouhoum. Karl Mouzakar On porte sur le. Ah, y'a. Ou elle est des gels, elle est une adarajat. Raïta et Tullaba, Joudoud. Joudouda, non. As-tu vu les nouveaux élèves Naam, oui, je les ai vus. Thanien. Ra'ayti al-mudira wa ukhtuha. La. Wa ukhtaha. Naam. Wa bintaha. Naam. Donc, as-tu vu la directrice ainsi que sa sœur et sa fille? Naam, ra'aytuhunna. Naam. Sache que, comme je l'ai dit, la règle, souvent, quand tu as un nom, tu as un waou. Alf-atf. Ce qu'ils appellent conjonction de subordination, qui veut dire et. Le nom qui est avant le waouh, c'est-à-dire par exemple, si c'est un nom qui est mal fort, Mohammedun, ce qui vient derrière, le waouh, il va prendre la même i'rab que celui qui est avant le waouh. C'est il le suit en fait. C'est-à-dire Mohammedun wa Zaidun. Tu vas dire Mohammedan, shamaful bihi, wa Zaidan. Tu vas dire Mohammedin si c'est un majrour wa Zaydin. Taïeb, ce qui vient après le waou prend l'i'rab de ce qui est avant le waou. Ça viendra inch'Allah dans le bab al-ataf. Et la jurumia, je pense. Peut-être pour ce qui t'a Allah alam. Donc c'est pour ça que tu vois, ta koul, ara'aiti al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Mais en vrai, ma foul bi, là il est un seul. C'est lequel? Mudira. Et les autres, c'est les suiveurs. Ça s'appelle ma'touf. Thalithan. تفضل رايت المدرسه نعم as-tu vu le professeur نعم رايته نعم هو يعني كي المدرسه نعم رابعا اين رايت اختك عفوا اختك نعم مريم où as-tu vu ta sœur مريم رايتها في المدرسه نعم Je l'ai vu dans l'école. Ara'ayta sayyarat al-mudiri Na'am ra'aytaha ra'aytuha Na'am, as-tu vu la voiture du directeur? Oui, je l'ai vu. Sa'adisan Aina ra'ayta al-atiba'u al-atiba'a ya'aliyu Où as-tu vu les docteurs ou les médecins ou Ali? Ra'aytuhum fi al-mustashfa Na'am. Je les ai vus dans l'hôpital. Et où il y a bien un atib. Sabian. Mata ra'aita al-mudiri al-mudira ya Yunus. Quand as-tu vu le directeur au Yunus? Ra'aituhu qabla al-darsa. Non, je l'ai vu avant le dars. Saminan. Ra'aita aminatu ya. Ra'aiti aminatu ya khadijatu. Hein? Ya Khadijata. Enfin, aïd, aïd, aïd, on commence. Ra'aita Aminata. Là, tu peux dire ra'aiti, je pense que c'est plutôt une femme. Voilà. À part c'est tes sœurs. Ra'aiti Aminata. Naam. Wa Khadijata. Wa Barirata. Naam, Barirata. Naam, ra'aituhunna. Naam, as-tu vu Amina et Khadija et Barira? Oui, je les ai vus. هنما يرجع إلى أمينة وخديجة وبريرة مفهوم هذا مع الراء طيب عاشرا اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملان أن وعلم أن من أخوات إنا donc on a pris que أن parmi les sœurs de إنا donc elle a la même fonction son اسم qui vient derrière il est منصوب et son خبر il est مرفوع. Et on avait dit quoi? Souvent traduit par que. Comme tu vas le voir maintenant avec tes exemples. Mathalan, il dit. Ah ouais, il te dit en fait, lis les deux exemples. À chaque fois, on a deux phrases là. Dis les deux exemples. Et lis entre les deux phrases en utilisant Anna. Tout en sachant que Anna est parmi les sœurs de Anna. Le premier exemple, il dit. Huwa maridun. Il est malade. Tayeb. Là, on a un nouveau verbe. Dhanna adhunnu. Dhanna adhunnu. Qui veut dire quoi? Je pense. Ou penser plutôt. Dhanna. Tayeb. Ça s'appelle quoi? Un firme da'af. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il a deux lettres. Tayeb. Qui sont jointes. Il a deux nouns. Et on a mis une shedda. En fait, tu dis là-bas, c'est. Vanana. Ça y est, ça va venir plus tard. Pourquoi? Et en fait, on dit vanna. Ça y est, avec un autre mouchaddada. Qui veut dire penser. À la base. Et il peut dire d'autres choses. Donc il dit, moi je te dis ou amarid. Il est malade. Toi tu vas dire avonno annahu maridun. Je pense qu'il est malade. Donc là, anna. On l'a traduit par quoi? Par que. Et souvent il vient comme ça. Et il y a des verbes, anna, il va tout le temps derrière quasiment. Ou très très très souvent. Et avonno, en fait, c'est anna là. C'est-à-dire là, il est au mudari. Vous voyez, le mudari, c'est anna. Anna, avonno, anna ou marid. Sauf que là, il est le damir, avonno, il est moussatir. Pareil, comme ou ou comme hier. Tu ne le vois pas. Thanien, al mudarrisu ma ja'a. Donc, le professeur n'est pas venu. Déjà, on a dit, c'est-à-dire venir ou arriver. Donc, comment on va le faire avec Zanna? Tu vas dire, Avonno annal mudarrisa ma ja'a. Voyez? Donc là, on dit, Avonno, c'est fi'l mudari. D'ailleurs, il est marfou. Comme tu peux voir à la fin, il y a une dhamma. Son fi'il, c'est damir mustatir, qui veut dire Anna. Anna, c'est harf nasb wa tawkid, comme Inna. Al-Mudarrisa, c'est Ism Anna, il est mansoub. Wa ma ja'a, Adil Jumla Firliya, c'est Khabar Anna. Et l'autre ami de Firel de Ja'a. Ma ja'a. Le Moustatir. Moustatir. Donc, dirouhou, houa. Sous-entendu, houa. Qui revient au Mudarris. Quand même. Avec le Jumal Oula, trois dollars. أنت طبيب نعم شوي أمير صار أظن لا أظن نعم توس أظن اللي مرفوع أظن إنني طبيب لا إني أنت طبيب أظن c'est quoi le متصل de أنت لا هو le متصل de أنت أيوة c'est quoi le متصل qui revient أنت. Et là, c'est Anna, c'est pas Inna, attention. C'est Anna. Ouais, comment tu lis son livre à lui? Kitabuhu. Et comment tu lis ton livre à toi? Kitabuka. Voilà, Anta. Adonna, Adonno, Annaka. Aïwa. Annaka Tabibun. Non, je pense que tu es un médecin. Ah, ouais, vas-y, je pensais que c'était une question qui me l'a. Là. Toi, tu le même domir, tu le remets. طيب tu le remets dans la phrase avec le domaine متصل. نعم. ثانيا. هو من الياباني. Il est du Japon.

Ikrama yali, sumaktubuhu ma kitabati l'arkam el wadati fihi bil huruf. Donc il dit lis ce qui suit, et ensuite tu écris les nombres avec les lettres. Vous voyez, tu écris le nombre en lettres. Wa inshallah sakunu fil bayt. Il y en a au tawil. Et c'est contraire la dernière fois qu'on avait pris. Avant pour un des kawakifatakul tawalib, 14 étudiants, comment tu vas dire? ثلاثة عشرة عشرة ثلاثة أيوة مش نقولي بس طول طول الفتحة طول طول ما في مين مسكولا سي طول طول الفتحة يشانج جامي اللي بيبني كم تيجي بعد تاخر لا فاريام يرست طول طول الفتحة دونك فازي ثلاثة عشرة نعم طالبا طالبا يو في مين سالت كوا ثلاثة عشرة طالبا طالبا طالبا نعم طيب ثالث عشر تخزين اكتب الأعداد من أحد عشر إلى عشرين وجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها عفوا نعم سلوسي أيوة ساكن في البيت إن شاء الله تصون اللي نمفو فو بوكو فو بوكو دو تغريبات فو بوكو دي أرسيس بولي مام بس كلي هاك سو تخي نمغوز عشاك une nouvelle étape, chaque nouvelle catégorie de nombre, c'est une nouvelle règle. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'assimiler. Ok, c'est simple. Pour faire un truc comme ça, toi, tu écris juste, en fait, Ahad Arachar. Ah non, parce qu'ils sont... Tu écris une série de Ahad Arachar, il est Tissat Arachar, au Moudakar, et tu mets de Ihda Arachar, ou Ihda Arachara, il est 10 asharata au féminin, et devant chacun d'entre eux, tu mets les noms. C'est pas devant chaque nom, tu mets le truc. Ça c'est toi la tâche, tu vois. Ce sera plus léger. Inch'Allah. Et maintenant, il va venir ce qu'on, un point qu'on avait déjà dit dans un autre ders, en guise de faïda, et là maintenant c'est vraiment ders. C'est le féminin des noms comme Johan, Adban, ainsi que leur pluriel. Yakul, Ikra al-Misael, Summa. Imla est rempli quoi. El fora fimayali ala ghirari. Donc il dit lui les exemples et ensuite comble les trous comme cela est cité dans les exemples qui sont dessus. Mathalan hamidun jo'anu. Donc hamid a faim. Donc là c'est jo'an, il est mufrad. Jo'anu. C'est quoi son djam? C'est pas jo'anun. Non. C'est التلاب جياع طيب جياع على وصف فعال ان بلو ما صرف لنا تدي جياع avec un tanwin ça c'est le مفرد مذكر et جم مذكر maintenant il va donner quoi le مفرد مؤنث et جم مؤنث comment tu dis pour le féminin مريم جوعاء طيب avec un alif. Ça, c'est le mufrad. Le jam, c'est le même. At-talibat ou jiyan. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le kitab 1 que le jam taksir, qu'il est mutlaq, il est mixte. Tu vas dire, rijal tiwalun, ils sont grands. An-nisa tiwalun. Donc là, c'est pareil. Le jam taksir, il est mixte. Ils ne sont pas pour les deux. La différence, c'est quoi dans quoi là? Dans le singulier, mufrad. Maintenant, à toi de trouver. Tu vas devoir déduire le wazn du mot, la forme du mot, sa mesure, par rapport à ce qu'on vient à l'instant. Mathalan yakul, Khalidun Atchanu. Khalid a soif. Atchan, comment tu vas le mettre en jam? A la wazfi al. Aitosh. C'est Aitosh. Taïeb, et Tullabu Aitoshun. Taïeb, Aitoshun. Ils viennent tous sur cette forme-là. Maintenant, mets-moi un féminin. On compare bien entre Johan et Joa. Tu vas trouver le féminin de Hachan. Ça va être quoi? Le féminin de Hachan. Si tu regardes bien, tu analyses bien comment. Hachan. Voilà, Hachan, avec un lif.

مكوتان نعم بيت بيت نعم بيت نعم سبورة سبورة سبورة نعم رجل رجل رجلان نعم مدرسة مدرسة مدرسة تمام أنت هذا؟ نعم سيدة عجاقي سادس عشر يدي تأمل ما يلي دونك ميديت سو كي سوي هات هات على بس سي ان فيل امر امبيراتيف اي لي جامد on dit quoi jamid c'est quand il vient sur une seule forme il vient que au plus à l'impératif ce verbe là il y a pas de mudari et il y a pas de mardi voyez donc quand tu parles à quelqu'un tu dis hati avec une kasra il y a ahmed c'est donne il y a ahmed voyez tu dis hatu ya ikhwan là le waw c'est le jamaa c'est donné ou les frères qu'avec le ta'ala wa hatu burhanakum in kuntum sadiqin et apportez vos preuves si vous êtes véridiques. C'est le même. C'est comme dans le site du palmier. Eh ouais, hâte, hâte, hâte. Sauf que c'est plutôt trop d'accord. Non. Non. Hati avec Aya, c'est pour qui là? Pour une femme. Si tu parles à une femme, tu dis Hati et à Soad. Donne au Soad. Ou apporte. Hati na ya Akhawet. Ça y est? Hatina ya hawat. Donc tu veux dire hatina des femmes. Tamam. Et là ça te prouve quoi? Parmi les différences entre l'homme et la femme. Et Chier avait raconté une fois l'histoire d'un homme qui faisait munakash avec un autre, un qui voulait faire la tasfouya, bin Rijal, on dit ça. Il voulait égaliser entre l'homme et la femme. Taïeb. Et l'autre il dit, mais on n'est pas pareil. Il dit, ah, c'est munakash, l'homme et la femme sont pareils, wakaza, wakaza. Après celui qui voit qu'il y a une différence, c'est vrai, il dit à cet homme, uskuti. Tu vois comme ça, uskuti. Il dit, pourquoi tu peux se côté Kaya et tout, nanana fait, bah, vous êtes pareil, toi et la femme, pourquoi vous me dérange, tu vois? Et il ne savait plus quoi dire après. Normalement, un homme, tu vis au scout. Et une femme, tu vis au scouti. Quand il dit au scouti, il était vexé. Pourquoi tu me dis ça et tout, au scouti et tout, un arajoul? Quand là, tu dis qu'on est pareil, l'homme et la femme. Non, c'est... Et là, il a rien pu dire, tu vois. C'est-à-dire, même dans le Coran ou dans la langue arabe, on a mis une différence entre l'homme et la femme, pareil. Vous voyez? Les sadakarouk al-unfa. Taïeb, Yakoul, Oktoub. Bon, ça, Inch'Allah. Avec tout ce qui est comme exercice, Inch'Allah, on va faire un tarfif en fait. Si tu veux faire toi-même, Taïeb, pour Amin Indik, c'est de toi-même. Anna Talibul Mujtahid. Taïeb. Yakul Uktub al-Ayat al-Khams al-Ula min Surat al-Rahman, au Surat al-Hadid, au Surat al-Naba. T'écris le premier verset de Rahman, al-Hadid, al-Naba. Taïeb. On prend le kalimat al-Jadida. Majalla, c'est magazine. Imara, c'est un immeuble, une bâtisse. Vous voyez? Waljam, c'est Amaïr. Mamim le Saf. Soura, c'est une sourate. Waljam, c'est Soura. Rakibun, à la base, c'est ou c'est un passager ou ça peut être celui qui monte sur un cheval ou autre chose. Celui qui monte sur une chose. Et le Jam, c'est Rukab. Sinnun, vous voyez? Ça peut être l'âge. Et ça peut être aussi une dent. Et Asnan, pareil. Asnan Marouf. Asnan, c'est, tu vois. Jaa, c'est un film mardi qui veut dire venir, arriver. Shakka, à notre époque, c'est pour employer comme quoi un appartement. Le Jam, c'est Shikak. Kalima, Marouf, c'est un mot. Le Jam, c'est Kalimat. Et Kawa, Yakoui. Ça, c'est un verbe qui veut dire repasser. À la base, c'est comme brûler les choses, tu vois. Pas fou, Mala? Bon, là, comme étant dépressé, on n'a pas le temps de faire un khurasa. C'est un café bien, là. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.